La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Bonjour à toutes et bonjour à tous et donc bienvenue sur les chemins de la philosophie. Aujourd'hui, suite et fin de notre philosophie du corps féminin, la chevelure. Remets bien ton foulard, ma sœur. Hé, je te parle. Monsieur, on ne dit pas « je te parle », on dit « je vous parle ». Un peu de respect, s'il vous plaît. Bonjour Chala Chafik. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour cette dernière émission donc sur la chevelure, dans cette semaine sur le corps féminin. Vous êtes écrivaine et sociologue, vous êtes l'auteur de, entre autres, hein, j'en cite quelques-uns, Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, aussi d'Islam politique, sexe et genre à la lumière de l'expérience iranienne. Alors, cette semaine, on a parlé de clitoris, d'utérus, de sein, nous avons parlé métaphysique, psychanalyse, phénoménologie. Nous ne pouvions pas ne pas parler du corps féminin sans évoquer la chevelure, tout à la fois louée, sexualisée, esthétisée, mais aussi cachée, dissimulée, voilée, et sans évoquer donc la religion. Alors pourquoi la religion s'est-elle emparée spécifiquement de cette chevelure féminine, Chala Chafik ? Bonne question, une question très très complexe puisque... Oui, c'est une large question. Voilà, une large et à la fois multidimensionnelle. Multidimensionnelle aussi parce que la chevelure, c'est-à-dire quand on parle par exemple de la religion et la chevelure, on pense tout de suite au voile porté ouais. par les femmes qui est imposé. Et d'ailleurs, vous avez écrit sur le voile. Voilà, et qui n'est pas du tout seulement, ça veut dire qu'il ne se retrouve pas seulement dans la religion islamique, mais qui est aussi un phénomène qu'on peut constater et qu'on a vu au sein d'autres religions monothéistes, le christianisme et le judaïsme. Donc là, la tête, la chevelure, mais aussi le corps, puisque quand on parle de voile, le voile renvoie à la chevelure, mais renvoie au corps, de manière générale et aussi de manière particulière. Ça veut dire le corps des femmes. Et donc, il faudrait, moi, je pense qu'ici, la chevelure devient quelque part, comme vous l'avez dit, ça renvoie à la sexualité, ça renvoie au désir, à la séduction. Et tout cela, c'est la question de la gestion de ce rapport au corps, et de la gestion de la sexualité qui est posée à partir de rapport à la chevelure. Donc, la chevelure, représenterait serait une sorte de symbole en fait du corps féminin sexué, sexualisé. Mais pourquoi ? Parce que les cheveux par exemple rappellent les poils ? Parce que le fait que ce soit aussi sur la tête, les cheveux, c'est-à-dire qu'on peut se dire aussi qu'on veut masquer le fait que la tête c'est là où on pense. Oui. Donc il y a une sorte de une manière de cacher à la fois le corps mais aussi l'esprit. Moi je pense que c'est une manière de cacher quelque part... L'être de la personne, ici la femme, comme un individu qui voulait ayant une sexualité et donc une sexualité qui parle aussi pour, ça veut dire en fait un corps et tête, puisque pour moi, si vous voulez, et je pense que si on regarde de plus près cette question-là, le désir, ça vient de la tête aussi. C'est pas seulement le corps qui est impliqué dans la question du désir. Et donc effectivement, quand on en fait la chevelure, c'est aussi la séduction de l'autre, c'est aussi tout ce qui le rapport à l'autre, ça engage le corps et la tête. si vous voulez. Et je pense que le désir, en général, ça engage le corps et la tête. Contrairement à ce qu'on pourrait nous faire entendre par la culture pornographique, qui dissocie les deux aspects à des fins commerciales ou d'autres choses, à des fins. Mais en fait, c'est tout à fait lié, le corps et la tête. Mais pour revenir à la question de la religion et les femmes, moi, si vous voulez, après, on pourrait aller chercher pourquoi, à un certain moment, c'est à partir de la chevelure qu'on pose la question de voile. Oui, c'est ça. Mais pourquoi part de la chevelure? Pourquoi? Parce que ça veut dire, en fait, dans ce moment-là, si on revient, par exemple, à la religion islamique, quand on dit le voile pour la loi islamique, la charia, le voile ne s'impose pas dès l'apparition de l'islam. Ça vient dans l'histoire de l'islam après. C'est intéressant après. Ce que vous dites, oui, Chala Shafik, parce que après. Ça veut dire que à la fois le fait de cacher la chevelure est quelque chose d'unanimement partagé par les religions monothéistes, et en même temps, ce voile-là n'est pas forcément une injonction nécessaire, universelle, mais qu'elle tient plutôt à l'histoire. Oui, c'est-à-dire à la fois à l'histoire, mais aussi à la politique, à la sociologie, à tout ce qui est les rapports de force ou les rapports, si vous voulez, les rapports sociaux qui sont finalement, comme diraient des sociologues, c'est à la fin, c'est les rapports de force, les rapports au pouvoir. Et donc, c'est ça qui nous rend le voile intéressant comme sujet de réflexion, puisque en fait, il est fait essentiellement pour cacher. Mais en même temps, il révèle plein de choses. Ça devient comme presque un miroir. Une sorte de révélateur de tous les enjeux sociaux, politiques, culturels qui sont en train de se jouer. Voilà. D'ailleurs, une question qu'on peut quand même tout de suite poser, c'est que depuis la fin des années 80, on pourrait dire la question du voile en France, en tout cas, est une question qui revient régulièrement, je dirais tous les 6 mois, tous les ans en tout cas. C'est une question qu'on a un débat, qu'on n'arrive pas à dépasser, qui est toujours très exacerbé, très violent, qui divise énormément, que ce soit du point de vue des hommes politiques, des partis politiques, du point de vue aussi des féministes, des partisans du féminisme, ou alors des gens qui sont même neutres vis-à-vis de ça. Comment expliquez-vous que le voile, même si on comprend ce paradoxe de à la fois il cache le corps féminin et en même temps il est le reflet de ce rapport à ce corps féminin et donc il révèle quelque chose de la société, comment expliquez-vous que ce débat sur le voile islamique, on l'ait depuis... Ben moi, depuis que je suis toute petite, en fait. Je ne peux pas ne pas entendre ce débat-là. Et est-ce qu'on peut s'en passer? Si vous voulez, je pense que, comme je viens de le dire, comme il est le révélateur des enjeux éminemment politiques, on peut pas s'en passer. Ça veut dire, en fait, il nous rattrape, même si on voudrait l'ignorer, comme ça a été le cas. Par exemple, vous avez grandi avec ces débats sur le voile. Voilà. Et moi, j'ai commencé mon exil avec ce débat sur le voile. Racontez-nous votre histoire. Ça veut dire très très sommairement, puisque je voudrais qu'on puisse vraiment approfondir la réflexion, mais pour faire le lien avec ce que ça veut dire, en fait, avec moi, j'ai vécu autrement avec le voile et vous autrement. Ça veut dire qu'en fait, nous deux, en soi. On est liés par nos cette histoires, question du ça démontre voile. pourquoi on peut pas outrepasser cette question-là, pourquoi on peut pas y tourner le dos. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pour préciser les choses, nous n'avons pas la même histoire, Chala Shafik et donc moi-même, le fait est, on n'est pas tout à fait de la même génération. Oui, absolument. Mais on n'est pas nés dans le même pays, mais on vit dans le même pays, et pourtant cette question du voile est une question qu'on partage, pas forcément parce qu'elle... Pour ma part, elle ne m'a pas été posée. La question ne s'est pas posée de le porter ou pas, mais c'est un débat auquel je ne peux pas être étrangère et insensible. Voilà. Si vous voulez, je viens d'un pays où l'Iran, où la poésie est essentielle et dans la culture, dans l'éducation. Et quand vous regardez la poésie persane, dans les grands poètes, la chevelure a une signification qui dépasse largement la question même de la séduction de désir, qui renvoie à toute la vie. Ça veut dire en fait qu'il renvoie au fait que la vie, c'est-à-dire que tout ce qui est dans les boucles, tout ce qui est dans la chevelure, c'est comme un conte, comme quelque chose qui raconte la vie, comme quelque chose qui nous amène à s'y plonger, etc., etc. C'est en même temps la beauté, c'est en même temps mais même l'éclat de cheveux noirs dans la poésie persane, ça dit aussi la lumière. Ça ouvre les yeux sur le monde. C'est-à-dire, on peut se perdre dans cet éclat, mais s'ouvrir à la lumière. Tout ça. Moi, j'ai vécu dans mon enfance avec tout ça. Donc, pour moi, effectivement, et la question de, est toujours, la chevelure dévoile un secret de la vie. Après, je suis arrivée à un moment où, ayant vécu avec l'islam, la pratique de l'islam de ma grand-mère, qui était tout à fait douce et sans aucune imposition, c'était pas un port moral ou une injonction religieuse. Voilà, il y avait pas. Ça veut dire en fait, ma grand-mère m'imposait jamais ce port-là, mais quand je lui demandais pourquoi, elle me disait c'est éducationnel. Elle m'encourageait à réfléchir moi-même avant de faire ce choix. Alors, j'arrive à une révolution où c'est imposé, ça veut dire petit à petit, de manière assez rusée, on vient dire aux femmes dans les manifs. Certains frères, qui après j'ai compris que c'était des frères islamistes. Donc c'était au moment de la révolution islamique de 79. Voilà, tout à fait. Ou que c'est, voilà, qui disent portez le foulard, portez au moins un petit foulard. Signe de ralliement, en fait, rassemblement, d'union. Tout à fait. Et je comprenais pas et je résistais de toute façon, mais après je me suis dit pourquoi pas. Et surtout que les femmes des quartiers populaires après étaient mobilisées. Après, on a su que c'était une mobilisation politique, mais on ne savait pas à l'époque. Tout en noir avec les tchadors et tout, et ça nous impressionnait, puisque en fait, ça nous culpabilisait en même temps, puisque nous, les étudiants de gauche, etc., qui étions des voiles, c'est-à-dire ma mère non plus ne portait pas le voile, on se disait, mais peut-être que le peuple, c'est ça aussi. Donc, si vous voulez, c'est tous ces éléments... C'est le fait d'être unis par un habit qui, en fait, ne nous distingue pas, mais font qu'on fait corps commun. Voilà. Et toutes ces idées-là ont été travaillées, si vous voulez, dans l'imaginaire, pour dire, quelque part, l'anti-impérialisme, qui à l'époque était pour nous très séduisant, c'est-à-dire contre l'Occident impérialiste. Et donc, effectivement, le voile des femmes devenait un étendard politique. Et en même temps, par le même biais, les femmes non voilées devenaient quelque part le cheval de Troie de la culture invasive, ça veut dire en fait de l'invasion de la culture occidentale. C'est ça que tout ça que je vous dis maintenant, je l'ai compris après, à force de travailler, de réfléchir. Mais à l'époque, c'était une magma de signification qui m'était imposée et je n'arrivais pas à m'y retrouver. Et pour moi, c'était pas très important puisque je me disais après tout, ça passera. Et ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble. Mais ça vous posait quand même un problème sur le moment. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous avez porté le voile à ce moment-là en vous disant c'est un signe qui nous rassemble pendant ce moment révolutionnaire, ou est-ce que vraiment vous vous êtes dit quand même, il y a quelque chose qui me gêne dans le fait de porter ce voile, mais je vais faire avec parce que ça n'est qu'un moment, justement, ça n'est qu'un moment de la révolution. Pour moi, c'était le deuxième cas. Je n'en faisais pas un cas, mais en même temps, quand même, ça me gênait au fond, puisque c'était quelqu'un qui venait me dire, mais fais-le. Et pourquoi? Le pourquoi, pour moi, c'était pas très clair. Et je voyais pas directement le rapport avec l'anti-impérialisme, etc. Mais effectivement, l'ayatollah Khomeini, qui était leader politique de l'époque, il disait, oui, toutes les femmes sont unies, il faut se rallier. Et l'islam devenait un islam politique. L'islam devenait l'islamisme. C'est pas la même chose. L'islam, ma grand-mère étant musulmane pratiquait un islam autre. Et ici, c'était l'islamisme qui parlait sans qu'on puisse la nommer. Puisqu'à l'époque, je vous rappelle que le concept même n'existait pas. Donc, pour moi, je comprenais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, mais je n'arrivais pas à le nommer. C'est bien après, dans mon exil, quand j'étais obligée de partir en exil, que j'ai commencé, ça m'a obsédée. Carrément, cette question de voile, ça m'obsédait. C'est pour ça que vous avez travaillé dessus pendant des années. Mais vous avez été exilée, Shala Shafik, parce que vous avez refusé de porter le voile? Non, pas forcément. Ça veut dire, en fait, si vous voulez, moi, j'ai eu une période de clandestinité avant de venir ici. Mais même dans ma clandestinité, c'était avant, quand le voile était devenu obligatoire, je résistais, puisque maintenant, j'avais compris. J'avais compris que c'était le symbole d'un ordre qui s'imposait au nom de la religion. Et je le voulais pas. Et donc, effectivement, même si j'étais en danger, si vous voulez, je portais pas. En fait, j'essayais de porter un petit foulard quand je sortais, parce que si j'étais arrêtée, ça aurait été la prison, puisque j'étais étudiante de gauche radicale. Et effectivement, j'étais sur la liste noire. Mais c'était à cause de ça. Mais j'avais compris la signification que prenait le voile au-delà du corps des femmes. C'était la signification de l'arrivée. Ça représentait un ordre répressif moral qui faisait l'affaire d'un pouvoir qui était bien sûr, qui instrumentalisait la religion sur le corps de femmes. Il faisait quand même un ordre répressif généralisé qui pour les hommes aussi, si vous voulez. Et tout ça, ça faisait que moi, je m'en voulais terriblement. Je me disais, comment moi, qui étais quand même élevée dans une famille où il n'y avait pas ça, où même ma grand-mère n'avait pas cette idée-là de l'islam, comment je n'avais pas compris cette différence énorme entre l'islam et l'islamisme? Comment je n'avais pas compris cela? Et donc, je travaillais, c'est-à-dire, quand je dis obsessionnel, je suis aucunement obsédée par le voile lui-même, cet objet-là. Je suis ce qui me hanté et qui me hante toujours, c'est tout ce qu'il représente en termes de rapport de force, en termes de la gestion du corps des femmes, en termes de leur autonomie, et ce qui m'éloigne complètement, si vous voulez, même culturellement, de ma culture d'origine, si vous voulez, de la culture persane, ou même, je pense qu'ailleurs aussi on pourrait le trouver, la culture arabe, où la chevelure dit autre chose quand vous regardez les œuvres littéraires. Et ça nous éloigne de toute cette beauté pour arriver à une laideur extrême. Alors on va revenir à la beauté, Shala Shafik. En quittant la cour du hammam, habillée et décemment voilée, il y avait un autre rite de beauté à effectuer, celui du parfum. Ce soir-là, ou le lendemain matin, les femmes revêtaient leur caftan préféré, s'asseyaient dans un coin calme de leur salon, et mettaient du musc, de l'ambre ou d'autres senteurs à brûler sur de petits réchauds à charbon de bois, et laissaient la fumée imprégner leurs vêtements et leurs longs cheveux dénoués. La magie du rituel du hammam ne venait pas seulement du sentiment qu'on venait de renaître, mais de l'impression qu'on avait eu un rôle à jouer dans cette renaissance. « La beauté est intérieure, il suffit de la faire sortir », disait Tante Abiba, avec une attitude souveraine, le lendemain matin dans sa chambre. Mais où ça? À l'intérieur? Dans le cœur, la tête, où exactement? À ces mots, Tante Abiba riait devant ma quête effrénée de précision. Mais ma pauvre enfant, tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. La beauté est dans la peau, prends-en soin. Hydrate-la, nettoie-la, frotte-la, parfume-la. Mets tes plus beaux vêtements, même s'il n'y a pas d'occasion particulière, et tu te sentiras comme une reine. Si la société est dure avec toi, réagis en étant aux petits soins pour ta peau. La peau est une affaire politique. Sinon, pourquoi les imams nous ordonneraient-ils de la cacher? Selon Tante Abiba, la libération de la femme commençait avec les massages et les soins de la peau. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Shala Shafik, nous venons d'écouter, interprété par la comédienne Elsa Lepoivre, un texte magnifique, un extrait de Rêve de femme, une enfance au harem de Fatima Mernissi. Donc Fatima Mernissi, c'est une sociologue féministe marocaine donc, qui a disparu en 2015. Ce texte est incroyable, vraiment, de dire « la peau est une affaire politique ». Mais juste après, de dire « sinon pourquoi les imams nous ordonneraient-ils de la cacher ?» on a là en fait peut-être tout ce qui cristallise ces questions sur le voile, enfin ce vers quoi le voile peut faire signe. Voilà, c'est, je trouve aussi très beau ce texte et ça me renvoie aussi à mon, si vous voulez, à l'expérience de mon enfance qui n'était pas dans l'ORM, mais quand même, c'est-à-dire qu'en fait, la pratique de hammam avec les femmes qui vient et qui, je me rappelle très bien avec ma grand-mère, on y allait, et c'était presque la fête. Ça veut dire qu'en fait, elle amenait un repas, et les femmes amenaient leur repas, après elles se massaient, et après elles mangeaient, elles parlaient de leur chagrin, de tout ce qui était leur vie, de tout ce que c'était les joies, les douleurs et tout ça. C'était vraiment un lieu de magnifique et qui m'a marqué. Mais en même temps, je pense que cette intimité et ce rapport à la peau et ce parfum, ce massage, tout ce qui est, à mon avis, ça embellit quand même notre vie et ça nous ramène aussi, ça nous rapproche de nous-mêmes. Ce qui est, moi je pense pour les femmes, ça peut devenir aussi un refuge. Mais quand Habiba dit le refuge qu'on retrouve quand face à ce que vous subissez, vous revenez à votre peau. Mais moi, je dis, si vous voulez, Géraldine, si on ne dépasse pas ce refuge, si on reste dans le repli, voilà, on s'enferme aussi dans le corps et dans la peau. Voilà. Et c'est ça qui arrive dans actuel. Ça veut dire qu'en fait, de manière symbolique, ça arrive. C'est quand même très étrange. Si vous voulez, pour revenir encore à ce que nous vivons en tant que femmes, toujours, quand nous sommes réduits seulement à notre corps, comme dans la culture pornographique, comme dans la culture de religio-politique, puisque c'est pas que l'islamisme. Si vous regardez, par exemple, les évangélistes ou tous les mouvements que j'appelle les néoconservateurs, qui projette un ordre moral répressif, ça passe tout par le corps, et par le corps des femmes, et par le corps sexué. Ça veut dire, en fait, bien sûr, l'homophobie et tout ça, mais en même temps, ça passe aussi, c'est un fil rouge dans toutes ces idéologies qui font de la religion une idéologie. En fait, le contrôle de la cité est d'abord, en fait, ou le contrôle politique, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le texte de Fatima Mernissi, elle dit « la peau est une affaire politique, hein, pas religieuse, une affaire politique ». Donc ça veut dire que la gestion des corps, du corps féminin, est une affaire politique et pas seulement religieuse. Tout à fait. Mais si vous voulez, la religion, moi je fais ici une distinction entre la religion en tant qu'une pratique, ça veut dire une relation avec le Dieu, avec le divin, et la religion, le religio-politique. Quand la religion se mêle à la gestion de la cité, ça devient politique. Si vous voulez. Après, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, ça a été toujours le cas de toutes les religions. Mais avec l'arrivée de ce qu'on appelle la liberté, l'égalité, etc., ça a été, ce rôle politique de religion a été quelque part effacé ou reculé au profit de cette autodétermination. Ça veut dire, en fait, de ce qu'on pourrait dire, la maîtrise de son corps, le corps et tout, que le corps de la femme ne soit plus un corps collectif et politique, ce ne soit pas un lieu politique. Ceci étant, par le biais, par exemple, de la pornographie, on introduit la même chose. Mais je ne parle pas de ça. C'est-à-dire qu'en fait, je le fais comme une parenthèse pour dire que ce n'est pas seulement d'une manière qu'on s'accapare de corps de la femme ou de la sexualité de manière générale pour imposer un ordre. Mais en même temps, ce qu'on voit avec le religio-politique, je fais une distinction entre la religion et le religio-politique. Dès l'instant où la religion devient la loi qui veut gérer la cité ou le... Comme la charia, par exemple. Comme la charia, mais aussi comme toutes les lois religieuses. Oui. Donc, d'emblée, le corps devient un lieu politique par excellence, et la gestion de la sexualité, parce que la gestion de la procréation, parce que la gestion de la cellule familiale, et cette hiérarchisation entre les sexes s'impose parce que, vous voyez, c'est assez complexe, mais en même temps, c'est très simple. C'est que oui, c'est assez. Vous faites, voilà, vous c'est faites, assez... c'est très clair. Ça veut dire, en fait, vous faites une hiérarchisation au niveau de la famille. C'est la femme, c'est l'homme, chef. La femme, après l'enfant, après les chiens, après les je ne sais pas quoi. Et avec cette hiérarchie, vous arrivez à un ordre politique où la tête est le chef. La tête est soit le roi absolu, soit le chef de tribu, soit le chef charismatique, soit le chef totalitaire. Mais en fait, vous préparez toute la société à accepter la domination. Et c'est pourquoi d'ailleurs la question des femmes n'est pas la question des femmes. Allez-y, alors expliquez-nous pourquoi la question des femmes n'est pas que la question des femmes, ou n'est pas la question des femmes, c'est la question en fait politique de tous les êtres humains. Voilà, c'est là où on arrive à de Beauvoir, à ce que, voilà, on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a tout un ordre, c'est une organisation de la sexualité et du sexe qui impose des images, des femmes et des clichés, si vous voulez, des femmes, des hommes, virilité, féminité, etc., et qui organisent un ordre politique. Et c'est ça, ça veut dire, en fait, on le devient en rentrant dans ces cases. En fait, c'est en intériorisant ou de manière corporelle, en fait, incorporant, je pourrais dire que les femmes et les hommes, à partir en fait donc de leur corps, en viennent à jouer des rôles d'hommes et de femmes, et à jouer des rôles d'hommes et de femmes dans la maison, puis dans la cité politique. C'est ça, c'est qu'à partir du corps, on va déterminer un ensemble, une organisation collective, et en retour, on pourrait ajouter, Chala Shafik, que cette organisation collective va influer sur ces corps, parce que dans le texte de Fatima Mernissi qu'on vient d'entendre, oui, c'est qu'on voit bien aussi qu'il y a ce danger de repli toute dans le hammam, de dire en fait la peau est politique, mais finalement, bah, on va s'en tenir à la peau. Tout à fait. C'est ce que vous avez très résumé très bien. C'est effectivement tous ces va-et-vient. Et moi, je pense qu'il faut aussi élargir encore le sujet en ramenant le corps. Mais la particularité de corps féminin, c'est aussi la question de l'enfantement. Si vous voulez, c'est aussi le fait que le pouvoir de corps féminin à mettre l'enfant au monde. Bien sûr, c'est aussi à partir de la question de l'acte d'amour, de la question des hommes, etc. C'est le rapport de sexe. Mais en même temps, c'est ce mystère de corps des femmes. Ça veut dire, en fait, c'est la femme qui enfante. C'est un pouvoir terrible. Et le patriarcat, ça veut dire ce qu'on dit, le pouvoir patriarcal, voudrait s'accaparer de ça. Et ça, quand vous regardez dans l'histoire de voile, à la fin, quand vous creusez, vous arrivez à cette obsession de s'accaparer de ce corps qui à la fois est ingérable, puisque la sexualité féminine, si vous voulez, c'est là où, par exemple, c'est ce qui met le regard posé sur un corps féminin rend dingue. Oui, non, mais ça, c'est l'excitation. Voulez, ça, c'est vous, si vous voulez, c'est aussi, à mon avis, une invention fantasmagorique qui est fait quand même aussi. Regardez, par exemple, dans les études qui ont été faites, y compris par Fatima Mernissi elle-même, on voit qu'il y a deux manières. Ça veut dire dans la conscience et inconscience de la société musulmane, mais aussi, moi, je pense, dans toutes les sociétés patriarcales, il y a des choses très paradoxales. D'une part, la femme, toute l'image à la base de la culture patriarcale qui est la prostituée et la mère. Voilà. Ça veut dire que l'élément de désordre par la sexualité libre, maintenant on l'identifie à la prostitution, comme font aujourd'hui les islamistes pour la femme libre. Ils disent la femme, c'est la liberté sexuelle des femmes qui a amené la prostitution. Faux, faux, faux. Puisque la prostitution comme une commerce de corps a existé depuis longtemps, et c'est pas avec le féminisme ou avec la liberté sexuelle, c'est tout à fait le contraire. C'est la liberté sexuelle acquise par le, c'est-à-dire que c'est la pensée féministe qui amène une réflexion sur la prostitution comme domination. Mais pas qu'il l'invente. Voilà. Mais dans le langage des religieux politiques, ça veut dire des intégristes, ou des islamistes, ou des évangélistes, on dit toujours c'est à cause de ça, c'est à cause de l'accès des femmes ou des hommes à la liberté sexuelle qu'on revient à cette chose-là. Donc je reviens à cette histoire de paradoxe, c'est que vous avez un élément de désordre qui est renvoyé au corps féminin, mais en fait c'est le trouble que vit cette pensée patriarcale de l'interne, puisque quand vous regardez, par exemple, c'est ce qui a été dit dans les études, y compris par Fatima Mernissi, quand vous regardez les histoires de Mille et une nuits, Shahrazad, donc toutes ces histoires-là, ça démontre quelle image de la sexualité féminine. Une sexualité tout à fait dangereuse, puisque la femme est mille fois plus forte dans la sexualité, elle fait peur. Et la ruse des femmes qui traverse toute la littérature, à la fois en Orient, en Occident, la femme n'a pas le pouvoir, mais elle a la ruse. Et donc tout ça, ça renvoie quand même à ce... Elle peut faire ce qu'elle veut sans qu'on le sache. Et la question de l'obsession de la paternité, qui est le père? Qui est le père? Qui a dominé toutes les séries télévisées américaines avant qu'on... Même la vie, puisqu'on dit régulièrement à un enfant qui vient de naître, tu ressembles à ton père. Voilà, et tout le temps, alors que même maintenant ADN est là, ça, c'est un fantasme qui trouble, si vous voulez, de qui vient l'enfant. Et dans la loi religieuse, toutes les lois religieuses, et l'islam par excellence, pourquoi l'islam, la loi islamique par excellence? Puisque l'islam, c'est la seule religion parmi les trois qui reconnaît la sexualité féminine comme active. Et comme elle la reconnaît, elle veut encore plus la dominer. C'est pas l'homme 68, hein. C'est la loi religieuse. Ça veut dire, en fait, ils veulent cacher encore plus puisqu'ils savent. Voilà, ils savent. La révolution algérienne eut sa nuit du 4 août. Les Européens firent abandon de leurs privilèges et, dans cette fête de la fédération permanente, les mots égalité, fraternité, justice revenait sans cesse. Pour la première fois, un choc psychologique mettait si étroitement en contact européens et musulmans que la fusion apparaissait possible. Les femmes ne furent pas les dernières à se mêler à ce courant irrésistible. Prisonnières de leurs traditions ancestrales, elles virent dans ce mouvement placé sous le signe de l'égalité l'occasion de hâter l'heure de leur émancipation. Pour elles, comme pour leurs sœurs du Maroc ou de Tunisie, le symbole de leur asservissement aux coutumes du passé est le morceau de tissu qui recouvre leur visage. Pendant ces heures de fièvre et d'exaltation, on vit dans toute l'Algérie bien des visages se dévoiler. Moi, je porte le voile par choix, par conviction religieuse, mais dans le respect de la loi, dans le respect d'autrui. On voit mon voile comme un symbole de soumission, alors que je l'ai mis par choix, que je défends toutes les femmes, qu'elles veulent le porter, qu'elle ne veuille pas le porter, qu'elle soit musulmane, non musulmane. Il n'y a pas un seul féminisme, il y en a différents, il y en a divers. Donc à partir de ce moment-là, le débat ne devrait même pas se poser. Vous écoutez France Culture, c'est la dernière émission de notre semaine consacrée au corps féminin, aujourd'hui en compagnie de Shala Shafik, sociologue et écrivaine. On a entendu deux archives, Shala Shafik, deux archives à 60 ans d'écart, donc en mai 1958, actualité pâtée, les Algériennes se dévoilent. C'est à la fois le signe d'une libération, mais c'est aussi le signe du succès de la colonisation. Et puis le 21 mai 2018, dans une interview accordée au site BuzzFeed, on a entendu Mariam Pouchtou, donc qui est la vice-présidente du syndicat étudiant l'UNEF, qui affirme qu'elle a fait le choix de porter le voile. Et ces deux extraits mis ensemble nous a semblé intéressants parce que on voit que le port du voile, effectivement, le fait de cacher sa chevelure est vraiment un enjeu politique. C'est un enjeu à la fois de rapport à l'autre. Est-ce que je suis... Le fait de se dévoiler est vu quand même comme le signe de la colonisation. Donc en fait, à la fois on se libère, mais en fait on est aussi emprisonné par la colonisation. Et maintenant on a en retour, l'idée que de porter le voile peut être justement une libération. Donc, où se joue la libération? Dans le fait de se dévoiler ou dans le fait de se voiler? Oui, c'est une belle question très complexe, question qui pourrait... Vraiment d'actualité. Voilà, est aussi une question qui pourrait être une question piège, puisqu'on voit combien d'émotions, combien de tensions ça génère. Mais en fait, si on revient à ce que nous venons de dire, si on fait une grille d'analyse à la fois politique, ça veut dire sociale, mais aussi psychanalytique, et tout ce qui engage, en fait, toutes les dimensions qu'on retrouve chaque fois qu'on aborde un sujet, et surtout quand on aborde le sujet des femmes. Puisque le sujet des femmes est polyvalent par excellence, ça veut dire on est à la frontière de l'intime et de politique. On est à la frontière de tous les sujets qui renvoient vraiment à des rapports les plus intimes possibles, et aussi les plus basiques, ça veut dire la famille, tout ce qui est, et aussi la société et le politique. Donc, si vous voulez, cet extrait que vous avez diffusé, c'est très intéressant, puisque ça démontre quand même, à partir de deux contextes historiques et politiques, comment le symbolique de voile pourrait muter. Est aussi fluctuant que le rapport qu'on peut avoir au corps féminin. Voilà, mais en même temps, il y a des questions basiques qui restent valables. Et si vous voulez, dans un de mes essais, j'ai fait tout un chapitre sur la signification du voile comme un miroir magique devant l'évolution politique de la société. Ça veut dire, quand vous regardiez, par exemple, en Iran, au début du siècle, il y avait une révolution constitutionnelle qui voulait la liberté, etc. On voit dans la littérature de cette époque le voile des femmes et par les avant-gardistes, par les gens qui voulaient changer la société comme une tombe, comme une prison. Et les femmes, mais après, vous voyez au moment de la révolution islamique, le voile devient le symbole de la lutte anti-impérialiste, et même les gens qui ne sont pas voilés disent pourquoi pas. Vous voyez? Oui, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment les mêmes. Et tout se joue autour de ce terme de comment le voile et le Fanon aussi, France Fanon. Voilà, j'allais dire aussi qu'on avait un texte de France Fanon qu'on pourra pas écouter, mais donc extrait de l'an 5 de la révolution algérienne, qui dit que à l'offensive colonialiste autour du voile, le colonisé oppose le culte du voile. Voilà. Donc si vous voulez une articulation entre la lutte nationaliste, la lutte anticoloniale, la lutte anti-impérialiste pour l'Iran, la lutte anti-impérialiste, pour l'Algérie, la lutte anticolonialiste, et ailleurs aussi c'est la même chose, toujours les luttes qui font qu'il y a une articulation entre le voile et le drapeau révolutionnaire ou anticolonial. La question de femmes disparaît à cette articulation. Ça veut dire, où est la place des femmes? Fanon n'a pas abordé cela. Puisque, oui, c'est en pas fait, un propos genré. Non, mais en plus, il est mort quand même à 37 ans. Il n'a pas eu le temps avant l'indépendance. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Mais nous l'avons. Si vous voulez. Donc vous voulez dire que c'est une question distincte en fait, la question féministe, parce que moi ce que je repère de différent entre ces deux extraits, Chalas Shafik, c'est que d'une part en fait on a une situation politique qui peut dépasser, qui se cristallise dans le port du voile sur le corps féminin pour les femmes, mais qui dépasse en fait la question du genre, parce que c'est une question politique d'organisation et de contrôle des corps, alors que là la question qui se pose en ce moment par rapport au port du voile, c'est que c'est un choix individuel qui n'est certes pas sans conséquences politiques, mais qui est un choix individuel, et là qui ne concerne pas les hommes par rapport aux femmes, mais les femmes par rapport à elles-mêmes. Et ça me semble être une distinction fondamentale. C'est qu'une femme qui me dit « je veux porter librement le voile », je la crois. Bien sûr que moi aussi je la crois, mais vous savez, comme toutes les questions qui portent au choix, qui ont un rapport avec le choix c'est un thème aussi qu'on doit interroger, comme de Beauvoir l'interroge dans l'introduction de... Je reviens constamment de Beauvoir, mais quand même, on pourrait dire aussi les autres philosophes, si vous voulez, le choix, si dans la culture... C'est-à-dire, on vit dans une société, maintenant, je pense qu'avec l'histoire du néolibéralisme et tout, le choix devient sacré, avec une sorte d'individualisme qui n'est pas l'individualisme dans le sens d'autodétermination, mais de presque moi je. D'accord. Mais en fait la question du choix va masquer, on dit c'est mon choix pour éviter donner des motivations. Si vous voulez, pour toutes les questions on dit le choix et on pense que le débat est fini. Non, le débat n'est pas fini, le débat commence à ce moment-là. Pourquoi ce choix? Quelles sont les conséquences de ce choix individuellement mais aussi collectivement, puisqu'on vit pas seul, Ça veut dire que moi, je vis avec vous, avec toute la société, etc. Ce qui fait problème, si vous voulez, problème en termes de réflexion, mais aussi en termes de vivre dans une société, aussi en termes d'émancipation, si vous voulez, pour les femmes, puisque le féminisme qui revendique le voile, puisque cette jeune dame, elle dit « je suis une femme féministe qui revendique le voile ». Et qui revendique aussi le fait de laisser chaque femme choisir. Voilà. Mais moi, la question, c'est pas comme l'histoire de harem, comme l'histoire de, si vous voulez, on demande à de Beauvoir, comment vous, en tant que professeur littéraire, etc., pourquoi vous pouvez juger de choix des autres femmes? Qui vous permet de dire le bonheur de... C'est une bonne question. Elle dit, voilà, c'est une très bonne question, mais qui se pose. Elle dit, mais la réponse est valable toujours. Elle dit, c'est le bonheur n'est pas, c'est subjectif. Un jour vous êtes un malheureux, un jour vous êtes. La question n'est pas le bonheur de ce que je fais, c'est bon pour moi. La question c'est l'existence. Ça veut dire en fait de voir cette liberté de choisir. Liberté de choisir, pas seulement le choisir, liberté de choisir. Et quand il y a des choix qui sont, par définition, restriction des libertés, moi, je sais, ça vous rappelle, mais permettez-moi de développer un peu cette réflexion. Allez-y. C'est beaucoup plus que... J'ai tellement de questions à vous poser. C'est tellement complexe. Vous savez, la question essentielle qu'il faut se poser, pourquoi ce choix ? Puisque c'est quand même le choix qui renvoie à une religion. C'est pas un symbole comme ça. C'est pas, moi, je fais pas comme, c'est pas comme le foulard que porte Audrey Hepburn ou Catherine Deneuve dans les films des années 60. C'est pas un choix de mode. Voilà. En fait. C'est un choix qui vient, qui est engageant. Qui est engageant, qui renvoie à un choix autre. Alors, pourquoi ce choix-là, dans aucune religion, que ce soit dans la religion juive, la loi juive, la loi chrétienne et la loi islamique, n'est pas imposé aux hommes. C'est la question essentielle. Le jour où, Géraldine, les hommes musulmans se diraient et porteraient ce fichu en disant, en tant que musulman, je m'identifie comme ça et c'est mon choix, j'accepterai que c'est anodin. Mais aujourd'hui, tant qu'il y a aussi des habits traditionnels dans des religions monothéistes qui concernent aussi les hommes. Par exemple? Par exemple, on peut voir des jeunes hommes musulmans habillés aussi avec une tenue intégrale qui cache parfaitement leur corps et qui peuvent aussi avoir la barbe qui masque leur visage. Oui. Mais si vous voulez, il y a, oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant en termes de symbole, c'est que la barbe exhibe la virilité, le voile cache la féminité. Symboliquement. C'est pas du tout la même signification. Mais bien sûr que moi, je pourrais dire que même le jeune homme qui doit cacher intégralement, mais ce que je vous ai dit au début de cette émission, le voile renvoie au corps en général. Au corps de femmes en particulier. Mais, jusqu'au maintenant, le voile est imposé dans toutes les religions. C'est une imposition aux femmes parce que leur sexualité, ça identifie leur corps comme un lieu de désir, de trouble, de danger, ce qui n'est pas l'affaire de barbe. La barbe exhibe la virilité. Alors que le voile, ça doit cacher ce lieu trouble. Et c'est ça qui me pose problème. Je suis d'accord avec vous, Shala Shafik. J'ai deux autres questions qui quand même sont très importantes, qui est que, vous l'avez dit, le voile est vraiment en fait un lieu de projection d'un ensemble de significations que vous-même, vous dites avoir tenté démêler. Est-ce qu'on ne peut pas voir maintenant un port du voile qui serait déchargé d'un ensemble en fait, de significations religieuses, politiques, ou est-ce que c'est impossible? En fait, le voile dans l'islam et dans d'autres religions est de toute façon marqué et chargé d'une signification de laquelle on ne peut pas se défaire. Surtout quand les gens le revendiquent en tant qu'islamique. Si vous voulez, dans le cas de cette jeune dame, elle le revendique en tant qu'hôtel. Donc je vois pas pourquoi elle fait cette revendication. Et c'est avec cette revendication que j'ai une discussion à faire, si vous voulez, en disant. Mais si elle n'a pas envie d'avoir cette discussion, cette jeune femme. Oui, mais elle peut, bien sûr, elle peut ne pas avoir envie, mais moi aussi, la réflexion critique, c'est aussi mon droit tout absolu. Oui. Ça veut dire, en fait, ce qui est, moi je dis, cet objet-là, ça m'interroge, c'est curieux, ce choix-là. Et ce choix, c'est un choix qui dit long sur autre chose pour moi. Ce que je veux dire par là, oui. C'est que c'est oui. Terriblement à la fois, la question du choix, comme vous l'avez dit, est fondamentale et elle est très paradoxale parce qu'effectivement, parfois dire c'est mon choix oui. Met fin au débat alors que ça devrait voilà. Être le début du débat. En même temps, c'est un débat extrêmement difficile à exposer. Oui. Qui pourrait dire ce qui en lui est à la source de ses choix? Alors, le voile, le port du voile est une question engageante. Mais par exemple, dans la vie, pour n'importe quelle question, quand on choisit de vivre à tel endroit avec telle personne, quand on choisit ses modes de vie, même sa mode vestimentaire, sa manière de manger, de fumer, de boire ou pas, ce sont des questions qui nous, des choix qui nous définissent. Mais comment en rendre compte? Comment faire la part en soi entre ce qui relève d'une forme de subjectivité, ce qui relève d'une forme d'intériorisation des normes? Vous voyez, c'est tellement difficile tout à fait, de rendre compte tout à fait, de tout ces à fait. Choix. Moi, je vous comprends parfaitement, mais il y a des critères, il y a des grilles qui nous aident à faire sans tension, sans être dans l'extrême, de voir la juste, de trouver le juste milieu. Moi, je pense qu'il y a aussi une question, quand on parle des femmes, il y a la question de la femme en tant qu'individu, et il y a la question des femmes comme groupes sociaux, et c'est ça aussi qui est tout le temps dans ce débat-là qui est camouflé. La majorité, si vous voulez, c'est la même chose, moi je dirais, sans faire la comparaison, pour tous les sujets, pour l'excision c'était la même chose, pour la question de prostitution c'était la même chose, on dit tout le temps la question des femmes ou la femme qui... Moi je pense qu'en dehors de l'expérience personnelle, il y a des phénomènes qui renvoient quand même à une expérience collective. Et si vous regardez la majorité des femmes dans le monde et l'instrumentalisation de cette histoire de Sophie Chou, de voile, de tchador, de la typologie qui nous dit, et maintenant les maisons de mode qui en font un objet de voilà pour la commerce et tout, qui en font aussi un objet de comme mode, comme le burkini voilà, par exemple, tout ça, ça nous renvoie quand même à, pour moi je regarde le grand tableau, comment c'est utilisé, comment c'est imposé, comment, et je vois quand même la domination énorme, comme le phénomène omniprésent. Vous ne pensez pas que les choses peuvent changer, que justement avec des femmes qui disent « je porte le voile délibérément », même si ça renvoie en fait, parce que finalement on pourrait aussi être admirative et se dire bah voilà en fait des personnes qui assument de faire des choix qui renvoient à des choix qui les dépassent en fait. Oui. Et c'est quand même la question de... Bon, vous allez trouver ça peut-être un peu rhétorique, c'est peut-être une pirouette, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a de fait, on fait... souvent le choix de se soumettre. Oui. Donc vous voyez, c'est très ambigu de distinguer. Mais ce ça. Choix de se soumettre, moi, ça me rappelle à l'époque de 80, vous étiez très jeune, mais il y a eu ce débat sur le voile et il y a eu à l'époque, dans 89, le premier voile des filles dans l'école publique et qui a fait une tollée, etc. Je suivais, il y avait des jeunes femmes qui avait écrit un livre en disant, si moi, c'est mon choix, si je fais l'adultère, je fais le choix de la lapidation. Ah, ça, c'est, si vous voulez, ça, c'est, moi, je pense. Ça vous paraît un contresens? Oui, les termes, non, mais non seulement un contresens, mais non seulement c'est, si vous voulez, ça n'a aucun sens. C'est non-sens, puisque je sais qu'elle fera jamais cela, si on arrive au bout de logique. Mais le problème, c'est, encore une fois, on a envie de répondre, on a envie de riposter, on a envie de justifier, d'accord. Mais si on va dans une réflexion profonde sur la lapidation, et sur ce qui est le choix de la lapidation et le choix de la soumission, on comprendra que en fait, tout dépend dans quel parti pris on a dans ce débat. Moi, mon parti pris, si vous voulez, c'est la liberté. Et je pense que le féminisme que je défends, et je voudrais pas que ça devienne une idéologie. Oui, vous n'êtes pas non plus contre le port du voile dans l'espace public. Non, mais vous interrogez ce choix. Voilà. Moi, je pense que bien sûr, pas pour l'interdiction. Je suis, je suis profondément, si vous voulez, si, pour vous dire, profondément contre le voile tel que le port de voile tel que on l'a discuté. Ça veut dire pour moi, la philosophie est très claire. Si vous voulez, je veux pas l'encenser, etc. Mais par contre, je suis pas dans le champ politique. Je suis pour une réflexion politique qui, et je ne suis pas pour l'interdire dans l'espace public. Je voudrais, dans la rue, je voudrais pas que ce soit interdit. Mais dans l'école, je défendais que tous les signes religieux, tous les signes religieux, pas seulement le voile. Et je pense qu'il faut pas non plus mettre cet islam-là à toutes les sauces, ou l'islamisme à toutes les sauces. Comme j'ai essayé de le faire tout au long de ce débat pour amener à une réflexion qui dépasse le cas d'une religion, mais qui renvoie quand même à l'enjeu de politico-religieux. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais le féminisme islamique, par exemple, comme un concept... Qui vous semble une contradiction dans les termes. Non, pas forcément. Ça veut dire qu'en fait, oui, parce que, si vous voulez, dans le cas de... Moi, je pense que les imams dans la mosquée, les rabbins, dans les femmes rabbines ou les autres, peuvent très bien revendiquer un statut égalitaire au sein de l'Église. Ça pourrait s'appeler les femmes féministes dans le judaïsme, etc. Mais par contre, introduire un concept qui emprisonne le féminisme, qui est une pensée de liberté, dans une référence et lui donne une identité islamique ou judaïque, ou là, ça, c'est un piège. Si vous voulez, ça donne, et ça, je l'ai écrit aussi avec des exemples et tout. En fait, dans la réalité, c'est ça qui est problème. Une musulmane pourrait très bien être féministe, mais féminisme musulman ou féministe islamique, cet adjectif me dit rien, n'ajoute rien, sauf que ça restreint la pensée de la liberté et l'autonomie. Merci beaucoup, Shala Shafik. Je rappelle que de vous, on peut lire le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. On avait un texte d'elle à diffuser, tant pis, on le mettra sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous avez aussi écrit « Demande au miroir » aux éditions L'Âge d'Homme, « Islam politique, sexe et genre à la lumière de l'expérience iranienne ». C'est une coédition Le Monde, puis aussi Le Nouvel Homme islamiste, la prison politique en Iran aux éditions Le Félin. Et enfin, je lance un appel car deux de vos livres sont épuisés. Il faut à tout prix les rééditer. C'est « La femme et le retour de l'islam ». Donc c'était paru à l'époque aux éditions Phoenix et puis aussi Femmes sous le voile face à la loi islamique aux éditions Le Félin, réédité ces livres. Merci beaucoup Shala Shafik. Merci à vous, c'était une discussion passionnante. Merci beaucoup. Alors pour vous, pour poursuivre la discussion, il faut vous rester à l'écoute aujourd'hui sur France Culture puisque toute cette semaine, LSD, la série documentaire, fait une série super sur la ménopause. Ménopause pour tout le monde, c'est à 17h tous les jours et à 23h. La dame avec le sac en bandoulière, arrêtez de courir. La dame avec le sac, arrêtez de courir. Et toi, ne cours plus. Madame, pourquoi couriez-vous? Je suis en retard, j'ai cours dans 5 minutes. Oui, mais faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière, il fait des mouvements. Comment dire, impudique. Eh ben, vous avez qu'à pas regarder mon cul. At all your common places. No butter. Posters of huge faces. No butter. I don't know what they say. No butter. They just stare for a win. No butter. No butter. No butter. When I was walking through the streets, pictures of people with no suit. Why is the girl so naked? Station where I wait. No burka, no. I understand their meaning. That soap is not for cleaning. And cars are not for driving. And bodies not for hiding. No burka, no. Huh? No burka, no. No. No work, no. Hmm? No work, no. No. Vous écoutez. écoutez France Culture, vous écoutez plus précisément Nos Burkas de Burkavante, juste après un extrait de Persepolis. Et oui, on a parlé d'utérus, de clitoris, de seins, de chevelure, il fallait quand même bien parler un petit peu de cul. Vous êtes bien donc sur France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver Aurélien Bélanger pour sa chronique philo. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Géraldine. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Eh bien, faut-il quitter Twitter ? C'est l'éternelle question, celle que se posent en tout cas les twittos dont les parents, lecteurs de Télérama, s'étaient longtemps demandé si leur enfant aurait ou non le droit de regarder la télé. Oui, mais il faut qu'il y ait un T et deux T après 21h, à 3T de toute façon, on s'en fiche, c'est un chef-d'œuvre, ça va direct sur le magnétoscope pour un replay le dimanche. Alors Twitter, c'est plus compliqué, on était là au début seulement en tant que curieux, que parfait gentilhomme, et puis on est rentré sans s'en rendre compte dans la ligue du LOL. Peut-être que ce n'était pas si bien, tiens, dès le début, d'être entre gentilhommes. Alors on se dit qu'on partirait bien, car c'est devenu un environnement toxique, mais on tombe toujours sur le tweet ou sur le compte qui nous donne envie de continuer l'expérience. Pour moi, ce qui me fait rester, c'est un mystérieux foun avec deux O comme Froome, qui a pour photo de profil l'icône d'une vieille disquette. Souvenir lointain, très lointain du temps où ce qui me faisait rester sur Fun Radio, c'était Difool, Difool avec deux O. Il y aurait donc un lien entre l'animateur de Lovin Fun et le mystérieux foun. Eh bien, l'amour, incontestablement, voire la pornographie, Foon passe son temps à démonter des trucs, littéralement, je veux dire. D'ailleurs, il est marié, je viens de le découvrir, il y a une madame Foon, trêve de mansplaining, je lui laisse la parole. Enfin, je traduis l'un de ses récents tweets qui résume bien qui est Foon et ce qu'il fait dans sa vie. Conversation réelle avec Foon. Moi, pourquoi tu démontes la machine à pain ? Foon, je ne la démonte pas, je la remonte. Moi, pour quelle raison as-tu démonté la machine à pain ? Foon, j'avais besoin de faire quelque chose pendant que les pâtes étaient en train de cuire et j'ai voulu savoir quel type d'ordinateur il y avait là-dedans. Tout Vendavision n'est pas plus drôle que ce tweet, je trouve. Ce tweet qui résume tout Foon, cette autre vision, cet autre homme-machine, le rêve d'un Condillac. Mais Foon n'est pas une machine ? Honnêtement, aucune idée. Je n'ai jamais vu, en tout cas, quelqu'un d'aussi heureux avec elle, les machines. L'un de ses hobbies, c'est par exemple de collectionner les vieux claviers d'ordi des années 80-90, ces sortes de trophées en ivoire de l'âge d'or de la bureautique. Ou bien il se passionne pour la forme insolite d'un connecteur oublié. On a tous chez nous une boîte ou un tiroir de vieux câbles et de vieux chargeurs. Foon est la seule personne qui vit littéralement à l'intérieur de ce tiroir. En somme, c'est un archéologue de la technique. Ben c'est ce que je pensais au début, mais ce n'est pas loin d'en être aussi un sorcier, la mémoire vivante des premières années de l'hybridation homme-machine, du temps où le cyberpunk n'était pas une mode, mais une technique de survie dans la jungle électronique. Ce serait le dernier à savoir où sont les plantes médicinales, où sont les puces cachées dans l'internet des objets, une eau qu'il est l'un des derniers à savoir encore extraire, le savoir caché dans les cactus des choses, un savoir directement connecté aux âges archaïques de notre monde, un secret très ancien, une ligne de code décisive d'or peut-être dans le langage tout buggé d'un faux Thermomix. C'est faux Thermomix qui nous espionne. Hein. Il n'y a que des vieux sorciers comme Foon qui peuvent encore nous le dire. Et ce genre de sorcellerie se serait réfugié sur Twitter, Twitter comme une sorte de réserve indienne qu'il nous serait interdit de quitter. Exactement, à moins de ne plus croire à la magie, cette magie si naturelle à Foon qui, s'étonnant récemment de l'étonnante sophistication d'un test de grossesse, a uploadé dessus une version jouable du jeu Doom. Et c'est la première fois que je voyais un test de grossesse tomber enceinte. Et moi, la première fois que j'en entends parler. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture, et bien à la page de votre chronique philo tout simplement. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Laure Blanqui, Jules Barbier, Anaïs Sisbert, Adèle Vendrette que vous retrouverez très bientôt à ce micro, Laurence Malonda à la réalisation, Elsa Le Poivre à la lecture des textes avec à la prise de son aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle formule de nos vendredis, cours particulier, et demain, cours particulier avec le neuropsychiatre et écrivain Boris Cyrulnik. Rendez-vous aussi sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur la nouvelle appli de Radio France. Elle est très bien, je vous la recommande pour écouter toutes nos émissions. Et bien sûr, il reste les réseaux sociaux pour nous laisser vos commentaires et vos questions Twitter, Facebook et Instagram.